بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le vendredi 8 شوال de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 28 avril 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble cette série sur les mérites des compagnons, qu'Allah les agrée. Et aujourd'hui, nous commençons avec les mérites qui concernent les sahabiyat, les meilleures femmes de cette communauté. Qu'Allah les agrée toutes. Nous commençons, bi'idhnillahi ta'ala, avec la première femme dans cette religion, qui est Khadija bint Khuwaylid ibn Asad al-Qurashiyya. Elle est de la tribu de Quraysh. Khadija radiallahu anha était mariée avec Abu Hala ibn Zurara. Et ensuite, l'a épousé un homme qui s'appelle Atiq ibn A'id. Et après lui, elle a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait 40 ans quand le prophète alayhi salatu wa sallam l'a épousé. Alors que lui, il avait 25 ans. Et il n'avait jamais épousé de femme, ni connu de femme avant elle. Il l'a épousé. Il est resté marié avec elle comme seule épouse jusqu'à sa mort. Et c'est la première personne qui a cru en notre prophète, alayhi salatu wassalam, d'une manière absolue. Comme il dit le Hafid ibn Hajar, c'est la première personne qui a cru en notre prophète, sallallahu alayhi wassalam. Des hommes comme des femmes, d'une manière absolue. Et c'est la mère de tous les enfants du prophète, alayhi salatu wassalam, à l'exception de Ibrahim, qu'il a eu de Maria al-Qibtiya. Elle est décédée à Mecca. Elle est décédée 3 ans avant l'émigration. Ils ont divergé en quelle année elle est décédée exactement. En tout cas, cette année s'est appelée l'année de la tristesse pour le prophète alayhi salatu wassalam quand elle est décédée. Et c'est l'année même dans laquelle est décédé son oncle Abu Talib. Et c'était une année très difficile pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il a perdu l'aide et le soutien qu'il avait auprès de son épouse Khadija, et aussi la protection de son oncle, et suite à sa mort, les sceaux de Quraysh ont osé faire des choses qu'ils n'osaient pas faire avant avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et quand elle est décédée, elle avait 65 ans. Et donc, elle a vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam 25 ans. Suite à cela, elle a été enterrée dans un endroit qui s'appelle Al-Hujoun. Donc, concernant les mérites de Khadija, radiallahu anha, ils sont très nombreux. Très nombreux. Lakin, ces mérites, c'est au tout début de l'islam. Car on va venir au point de la comparaison entre Khadija et Aïcha radiallahu anha. Suite à Khadija, nous parlerons des mérites de Aïcha radiallahu anha. Et est-ce qu'il faut absolument faire cette comparaison et arriver à désigner qui est la meilleure des deux, Khadija radiallahu anha ou Aïcha, ou est-ce que le mieux c'est de ne pas se prononcer là-dessus et de se contenter de rapporter les mérites de Khadija et les mérites de Aïcha, et celle qui est meilleure, c'est Allah qui sait mieux qui est la meilleure des deux. En tout cas, les deux font partie des meilleures femmes de cette communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin des temps. Donc pour Khadija radiallahu anha, un jour, Aïcha radiallahu anha, on commence tout d'abord par les mérites qui sont dans lesquels sont cités les deux. Khadija, on va citer que trois. Trois textes et qui ont à peu près le même sens. Khadija radiallahu anha, un jour, a dit, Aïcha. Les trois, c'est sans aucun doute les meilleures trois femmes de cette communauté. Laquelle est la meilleure? Comme j'ai dit, on va venir à ces points-là, Inch'Allah. Donc, Aïcha, un jour, a dit à Fatima, radiallahu anha, Fatima, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la plus jeune de ses filles, et la seule qui est restée vivante après lui, et elle l'a rejoint six mois plus tard. Et c'est sa fille qu'il aimait le plus, radiallahu anha. Donc Aïcha a dit à Fatima, radiallahu anha, fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit, tu veux pas que je t'annonce une bonne nouvelle que j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai entendu dire, les meilleures femmes du paradis sont quatre. Maryam bint Imran, la mère de Isa alayhi salam, Maryam. Et Fatima bint Rasulillah. Et Khadija bint Khuwaylid. Et Asiya imra'atu Fir'aun. Donc, Khadija, Fatima et sa mère Khadija. Et Asiya, l'épouse de Pharaon. Ça, il n'y a pas de doute que ce sont les quatre meilleures femmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Parmi les quatre meilleures femmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Aïcha, étant donné qu'elle fait partie des meilleures femmes de cette communauté, pourquoi elle n'est pas citée dans ces textes? Pourquoi elle ne rentre pas dans ces quatre? Les savants ont donné plusieurs explications. Que ces hadiths ont été cités par le prophète alayhi sallam au début de l'islam. Quand Aïcha radiallahu anha, quand Khadija est décédée, elle avait uniquement 3 ans. Elle n'était pas encore pubère. Et quand on parle des femmes, on parle des femmes responsables et pubères. Ça, c'est une des raisons qui ont été citées. Donc ça, c'est les quatre meilleures femmes, comme il est cité dans ce hadith. Et ce hadith a été rapporté selon plusieurs versets. selon plusieurs versions. Mais le sens est le même. L'ordre n'est pas toujours le même dans les textes. C'est pas toujours le même ordre avec lequel ont été rapportés ces hadiths. Des fois, c'est Khadija qui est citée en premier, et des fois, c'est Maryam, et des fois, c'est Fatima radiallahu anha. Donc, comme je disais, par rapport à Khadija radiallahu anha, Ali, qui aimait beaucoup Khadija radiallahu anha, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, les meilleures des femmes, je vais traduire le sens, les meilleures des femmes de son époque, la meilleure des femmes de son époque, c'est Maryam. Et la meilleure des femmes de son époque, c'est Khadija bint Khuwaylid. C'est Khadija bint Khuwaylid. Ça, c'est rapporté dans les deux authentiques. Les meilleures des femmes de son époque, c'est Maryam. Et la meilleure des femmes de son époque, c'est Khadija bint Khuwaylid. Il y a une riwaya qui donne ce sens d'une manière explicite, dans laquelle le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit Khadija est la meilleure de toutes les femmes de ma communauté, comme Maryam est la meilleure des femmes du monde. Comme Maryam est la meilleure des femmes du monde. Quand Al-Hafidh ibn Hajar a rapporté ces versions, et avec cette grande divergence entre les savants, laquelle est la meilleure, beaucoup de savants disent que Fatima, c'est la meilleure femme d'une manière absolue. Après elle, Khadija, après elle, Aïcha, de cette communauté. Et il faut savoir qu'il y a des savants qui disent que Maryam était une femme prophète. C'est un avis minoritaire, mais c'est un avis qui existe. Car Jibril alayhi salam, il est venu, il lui a parlé, donc ils ont considéré ça comme une révélation qu'elle a reçue, Maryam. Donc ceux qui ont l'avis que Maryam était un prophète, pour eux, il n'y a pas de divergence que Maryam est la meilleure des femmes de ce monde, d'une manière absolue, et non pas de son monde, de son époque. Mais ceux qui disent qu'elle n'est pas une femme prophète, c'est là, naam, si elle a plus de piété, elle est meilleure que lui. auprès d'Allah, il n'y a pas homme-femme, il y a le plus pieux, il n'y a pas riche-pauvre, il n'y a pas en bonne santé, en mauvaise santé. Le critère auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le critère de préférence, c'est la piété. Il y a une sœur, elle a demandé, est-ce qu'une femme sahabia peut être meilleure qu'un homme sahabi? Naam. Il n'y a pas de doute que Khadija, elle est meilleure que beaucoup de compagnons. Et il n'y a pas de doute également que Fatima radiallahu anha est meilleure que beaucoup de compagnons. Et il n'y a pas de doute non plus que Aïcha est meilleure que beaucoup de compagnons. Le critère de préférence auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pense qu'il y a un souci avec Internet. Une seconde et... Donc, je disais, là, je pense qu'il y a eu une petite coupure d'Internet, je disais que na'am, il peut y avoir une sahabia meilleure qu'un sahabi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et comme j'ai dit, la règle, c'est que le critère de préférence auprès d'Allah, c'est at-taqwa. C'est pas le fait d'être un homme ou d'être une femme. Si une femme a la plus de taqwa qu'un homme, elle est meilleure auprès d'Allah. Et j'ai dit également que nous n'avons pas de doute que Khadija radiallahu anha, elle est meilleure que beaucoup de compagnons. Et que Fatima est meilleure que beaucoup de compagnons, hommes. Et ainsi de suite. Aïcha également. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert ses portes afin de se concurrencer dans le bien. Et il n'y a rien qui empêche la femme d'être meilleure que l'homme. Donc, il y a une autre riwaya selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans laquelle, et ça c'est la riwaya, je disais, quand Al-Hafidh ibn Hajar, il a rapporté ces divergences entre les hommes de science, il a ramené cette riwaya, selon lui, qui lève la problématique dans la préférence entre ces femmes, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, toutes. Riwaya, c'est que le prophète alayhi sallam a dit la meilleure des femmes du monde est Maryam, puis Fatima, puis Khadija, puis Asiya. Donc là, le hadith, il est avec Thumma, qui signifie le classement. Car quand on dit Maryam, j'ai mangé une pomme et une banane. Je peux très bien, quand je te dis j'ai mangé une pomme et une banane, en utilisant « waou l'atf », je peux très bien avoir mangé la banane, ensuite la pomme. Car le « waou », ça n'indique pas l'ordre. Le « waou », ça indique uniquement que j'ai fait les deux. Quand je te dis j'ai mangé « akaltu tuffahatan fa mawzatan », le « fa », ça indique l'ordre et que je l'ai fait directement après. Ce qu'on appelle ta'qib. Par contre, thumma, ça indique aussi l'ordre et que ça vient après, pas tout de suite, directement après. Quand je te dis j'ai mangé une pomme, thumma mausa, thumma une banane, ça veut dire j'ai mangé une pomme, j'ai laissé passer un certain temps, après j'ai mangé une banane. Donc ici, le hadith, il est explicite que Maryam, alayhi salam, et la meilleure, ensuite Fatima, ensuite Khadija, ensuite Asiya. Et ça correspond à ce qui est cité dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit concernant Maryam, Wastafaki ala nisa'il alamin. Il t'a privilégié par rapport à toutes les femmes du monde. Mais ceux qui ont d'autres avis, ils ont des explications. Ils ont d'autres preuves qui sont très fortes. C'est pour ça, Wallahu A'lam, comme a dit Cheikh l'Islam Taymi Rahimahullah, entre Khadija et Aïcha, le mieux c'est de dire que Khadija est la meilleure des femmes au début de l'Islam. Car elle a servi l'Islam et elle a, comme on va voir dans ses mérites, elle a fait énormément de choses pour le prophète alayhi salatu wassalam et pour la religion de l'islam que Aïcha n'a pas pu faire. Mais Aïcha à son tour, elle a tellement servi le prophète alayhi salatu wassalam et tellement servi cette religion au point où ils disent qu'elle a rapporté, il n'y a pas quelqu'un qui a rapporté autant qu'elle de science et surtout la science du prophète alayhi salatu wassalam dans son foyer. Que les hommes ne voyaient pas. Donc, Khadija est la meilleure au début de l'islam. Et Aïcha est la meilleure yani, dans sa vie, vers la fin de la vie du prophète, alayhi salam, et après lui jusqu'à sa mort. Car à ce moment-là, Khadija était morte, radiyallahu anha. Donc, je répète ce point. Khadija est la meilleure au début de l'islam. Et ça, il n'y a pas de doute. Car Aïcha, comme j'ai dit, elle est née 3 ans seulement avant la mort de Khadija. Elle n'avait rien fait encore dans l'islam. Elle n'était même pas pubère, radiallahu anha. Mais après la mort de Khadija, il n'y a pas de doute que les travaux et les efforts de Aïcha sont immenses et aucune femme ne peut lui arriver dans cette phase de l'islam. Aucune femme ne peut lui arriver et l'atteindre dans cette phase de l'islam. Comme Khadija, aucune femme ne peut l'atteindre dans ses efforts au début de l'islam. Il a été rapporté selon Abu Huraira. Il a dit, Jibril alayhi salam est venu rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô messager d'Allah, voici Khadija qui arrive avec un plat dans lequel il y a quelque chose à manger ou à boire. Quand elle viendra, passe-lui le salam de la part de son Seigneur. Passe-lui le salam de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et passe-lui mon salam également. Et annonce-lui une maison au paradis dans laquelle il n'y a ni bruit ni fatigue. Et dans une autre riwaya, annonce-lui une maison au paradis, une maison construite avec des grosses perles ayant des rainures, yani qui sont creuses de l'intérieur, avec des rainures, construite en des grosses perles dans laquelle il n'y a ni bruit ni fatigue. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on m'a ordonné d'annoncer à Khadija une maison dans le paradis construite avec des perles ayant des rainures dans laquelle il n'y a ni bruit ni fatigue. Voyez que les hadiths, les uns expliquent les autres. On m'a ordonné, c'est Jibril alayhi salam qui lui a rapporté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'annoncer à Khadija cette bonne nouvelle. Mais ici, la chose qui dépasse l'entendement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, et sur laquelle il faut s'arrêter longuement, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il passe salam à cette femme. Si on s'arrête à ce mérite, et je ne connais pas un sahabi qui a eu ce mérite. Je ne connais pas un sahabi qui a eu ce privilège. Allah subhanahu wa ta'ala en personne lui passe salam. Donc je disais, si on s'arrête à ce mérite, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Cette femme, Allah lui a passé salam. Et Jibril alayhi salam lui a passé également salam. Et regardez la science qu'Allah a donnée à Khadija. Ça, c'est pas quelque chose que le Nabi alayhi salam lui a enseigné. Mais avec sa compréhension de la langue arabe et sa compréhension profonde de sa religion, elle a compris comment on répond quand salam il vient de la part d'Allah. Et quand salam il vient de la part de la créature. Beaucoup de gens disent assalamu alaykum, il ne sait pas ce qu'il dit. Pour lui, c'est une simple salutation. C'est une salutation. Il te passe salam, c'est une salutation. C'est vrai, c'est utilisé comme une salutation. Mais ça a un sens. Assalam, quand je te dis assalamu alayka, ça c'est une invocation que je te fais. C'est pour ça, il est légiféré quand tu rentres dans un cimetière de t'adresser aux morts et de leur dire assalamu alaykum. Si c'était une simple salutation, sans ce sens de l'invocation, ils ne seraient pas autorisés de leur parler. Là, ils n'entendent pas. Lakin, c'est légiféré, car il y a aussi le sens de l'invocation. Je te dis assalamu alaikum. Je demande à Allah de te faire salam. Salam, c'est la préservation. De te préserver. Et de faire que tu sois exempt de tout défaut et de tout manquement. Et qu'il te purifie des péchés. Et ainsi de suite. Parmi les sens de salam. C'est pour ça que salam, c'est un nom d'Allah. Il nous l'a révélé afin qu'on l'utilise dans nos salutations. Donc quand il lui a dit Allah il te passe assalam, elle n'a pas dit wa ala Allahi salam, car on ne fait pas de dua pour Allah. Allah il est imploré. C'est lui qui est imploré. C'est lui qui est invoqué. On n'invoque pas en sa faveur. C'est pour ça qu'elle a dit Inna Allaha huwa salam. C'est Allah le salam. C'est Allah qui accorde le salam. Et c'est lui-même qui est décrit par Salam. Et c'est son nom, As-Salam. Et chaque nom d'Allah comporte des attributs. Chaque nom d'Allah comporte des attributs. Et l'attribut qu'il y a dans Salam, c'est Taslim, la préservation. Allah, il est Salim. Il est préservé de tout défaut et de tout manquement. Il est exempté de tout défaut et de tout manquement. Subhanahu wa ta'ala. Car il est le parfait par excellence. Par contre, Jibril a dit wa ala Jibrila as-salam. Wa ala Jibrila, Jibrila mamnou' min as-sarf li al-alamiyya wa al-ujma. Ism ajami. C'est un prénom non arabe, Jibril. C'est pour ça qu'on dit Jibrila. Il prend pas le kasra car il est mamnou' min as-sarf ala Jibrila. Assalam wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour ça, c'est une sunna. Quand quelqu'un il te passe assalam d'une personne, que tu lui dises assalamu ala cette personne, ou ala cette personne assalam, wa alayka toi qui me transmets salam aussi salam. Ou on peut simplifier, on dit alayka wa alayhi salam. Ou on peut répondre d'une manière détaillée comme elle a répondu Khadija radhiyallahu anha. Elle a dit « Ala Jibril salam wa alayka » Elle s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a transmis « As-salam » Et ça c'est une sunna. Quand quelqu'un il te dit « Un tel te passe salam » Tu lui dis « Salam sur toi et sur lui » Également parmi ce qui a été rapporté au sujet des mérites de Khadija radiallahu anha, et encore une fois c'est rapporté selon Aisha radiallahu anha, elle a dit je n'ai jamais été autant jalouse d'une épouse du prophète alayhi sallam comme j'étais envers Khadija, malgré qu'elle est morte avant que le prophète sallallahu alayhi sallam ne m'épouse, mais cette jalousie était causée par tout ce que j'entendais le prophète alayhi salam dire à son sujet, tellement il l'a cité en bien. Le prophète alayhi salam était un homme fidèle et sa fidélité, ça se manifeste d'une manière forte dans sa relation avec la mère des croyants, Khadija radiallahu anha. Dans sa relation avec Khadija radiallahu anha, qui était Marie al-Qubtiya. C'était une esclave ou une épouse. La vie juste, c'est que c'était une servante et non pas une épouse. Est-ce l'histoire rapportée sur Marie al-Qubtiya et les autres épouses du prophète alayhi sallam? Je ne sais pas si c'est en lien avec quoi. Est-ce vrai? Quelle histoire? L'histoire qu'ils ont par rapport au miel ou la quelle histoire? Je ne pense pas avoir cité maintenant une histoire. Lakin, si vous pouvez citer l'histoire. Tayyib, j'ai dit par rapport à Aïcha radiallahu anha, elle dit, je n'ai jamais été autant jalouse d'une femme du prophète alayhi sallam comme je l'étais envers Khadija, malgré qu'elle est morte avant que j'épouse le prophète alayhi sallam, ou avant que le prophète alayhi sallam m'épouse. Et ceci à cause de tout le bien qu'il disait d'elle, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de lui annoncer une maison au paradis construite en grosses perles. Et aussi parce que quand le prophète, il égorgeait une bête, un mouton ou autre, quand il égorgeait, il réservait une partie de ce mouton aux amis de Khadija radiallahu anha. Et il leur donnait leur suffisance de cette bête. Regardez cette fidélité encore. Et on va voir plusieurs signes et plusieurs éléments de cette grande fidélité envers Khadija radiallahu anha. Et cette jalousie de Aïcha radiallahu anha, Aïcha radiallahu anha, elle savait la place qu'elle occupait auprès du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam. Et son grand amour pour elle. Et elle savait les qualités qu'elle avait de plus que les autres épouses du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'elle pouvait avoir des jalousies envers les autres épouses du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, mais pas comme Khadija. Khadija radiallahu anha, le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, quand il parle d'elle, il parle d'une femme irremplaçable, une femme qui a tout consacré pour son mari, et qui l'a soutenu, et qui était avec lui dans les moments difficiles. Et un homme, il n'y a qu'un homme lâche qui va oublier ces choses-là. Un homme, il n'oublie jamais quand une femme le soutient et l'assiste et reste à ses côtés dans les moments difficiles. C'est pour ça qu'ils disent, si tu veux savoir la femme avec laquelle tu es marié, attends d'être pauvre. Et là, tu vas voir est-ce qu'elle est avec toi vraiment par amour en Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour tes moyens. Ou là, pour ta beauté. Il y a des hommes, c'est par rapport à la beauté. Et ça, c'est constaté beaucoup dans les couples de l'kuffar. Quand l'homme, il arrive à un certain âge, la femme, elle l'abandonne. Lakin, chez nous, alhamdoulilah, chez les muslimines, on a des choses qui ne sont pas comme ce qu'eux, ils appellent l'amour. Et ce qu'ils appellent l'amour, ce n'est pas le vrai amour. L'amour, c'est pas quand tu vois une femme. Ça, c'est pas un amour. Ça, c'est... Si c'était ça, l'amour, les hommes, tous, ils auraient aimé la plus belle femme de la planète. Tous les hommes, ils aiment cette femme. Est-ce que c'est ça, l'amour? Ça, c'est l'amour de l'image. L'amour du physique. Et ça, n'importe quel homme, quand il voit une femme, très très belle femme comme ça, ça lui arrive. Lakin, c'est pas ça l'amour. Et yani, ils disent, c'était un coup de foudre. Au premier regard. c'est l'effet des films. Mais c'est pas ça la réalité. C'est pas ça l'amour. Ça va disparaître. C'est pour ça, yani, chez les Arabes, même avant l'islam, dans la période anti-islamique, quand l'un d'entre eux, il aimait une femme énormément, jamais il n'avait de relations intimes avec elle. L'aîné sait, dès que ça va se produire, en général, ça va à de l'amour, il ne va pas durer longtemps. À de l'amour du regard, l'amour de l'image, l'amour du physique et de la beauté physique, la beauté du visage, ça disparaît. Surtout si c'est accompagné d'un mauvais comportement, ou là d'une femme qui est matérialiste, ou là, ça disparaît rapidement. Là, le vrai amour chez nous en islam, il se construit au fur des jours et des nuits, après le mariage. C'est ça le vrai amour. Avant, on choisit avec notre raison, notre partenaire, par rapport aux critères religieux, par rapport, et il est autorisé pour nous de choisir aussi par rapport aux critères de dunya. Lakin, l'amour, il va venir après, avec le bon comportement de l'épouse, avec sa patience, avec son pardon, avec sa tolérance de certains des défauts du mari. Et tout ce que je dis pour l'homme, je le dis pour la femme. C'est des deux côtés. Chez nous, c'est pas d'un seul côté. C'est du côté de l'homme comme du côté de la femme. C'est là, et quand ils ont des enfants, ensemble, c'est-à-dire il y a une créature qui porte la moitié de l'homme et la moitié de la femme. C'est ça les vrais liens qui soudent le couple. C'est pour ça en général les personnes qui sont touchées par le djinn et par le mas, shayatin, ils font tout pour que la femme ne tombe pas enceinte. Car ils savent dès qu'elle tombe enceinte, en général le couple se renforce. C'est pour ça la plupart des divorces arrivent dans la première année. Et c'est l'année difficile dans le mariage. C'est pas le mois du miel, Shahr al-Asal. C'est l'année des problèmes. Car tu vas apprendre à cohabiter avec une personne inconnue pour toi, et qui a son caractère, et qui a ses défauts, qui a ses qualités. Lakin, vous avez une base commune qui vous unit. La base de la religion. Donc, des fois, il y a des sœurs qui envoient des messages qui disent « Je n'aime plus mon mari. » Et ça rentre dans ce que j'ai dit. « Je n'aime plus mon mari. » Ça, c'est en général, ça vient de Shayatin, tout ça. Et la plupart des cas comme ça, quand tu te renseignes un petit peu plus, tu réalises que la sœur, elle est touchée par Shaytan. Elle est touchée par Shaytan qui lui donne ses pensées et qu'elle l'aime plus. Ou la sœur qui dit « Depuis que je suis marié, ma demande de science a faibli et ma religion a faibli. » Ça, c'est contraire. Il y a des cas où ça peut être vrai. Mais c'est rare. Car en général, tu as bien choisi. Tu as choisi le frère sur des critères. Et la perfection, n'oubliez pas, ça appartient à Allah seul. Notre problème des fois dans les couples, c'est qu'on a trop tendance à idéaliser le mariage. Ça, c'est les mariages du paradis. Amma fi dunya, c'est des problèmes, c'est des défauts, c'est le pardon, c'est... Et jusqu'à ce qu'on arrive à notre objectif, former une famille, avoir des enfants, les élever dans l'islam, hadaw, d'une manière générale. Lakin, si tu t'es marié avec quelqu'un, avec des critères que tu as exigés au début, et ensuite, comment tu peux dire que j'ai baissé dans ma foi, j'ai baissé dans ma religion, alors que le mariage, c'est la moitié de la religion. La moitié de la religion. Et ça aussi parce qu'on ignore la valeur de ce qu'on fait dans notre foyer. Beaucoup de femmes ignorent ce côté-là. La femme, rien que le fait de faire plaisir à son mari et de lui montrer une obéissance dans un point, ça peut être une adoration qui dépasse yani salat de plusieurs nuits. Ça, c'est parmi les grandes adorations chez la femme. D'être à l'écoute de son mari, elle peut être plus intelligente que lui, elle peut avoir plus de science que lui, mais elle va être à son écoute et faire son maximum pour lui obéir et lui préparer un climat calme afin que ce que Allah a dit dans le Coran se réalise dans nos foyers, que nos foyers soient un sakan, des demeures de tranquillité et d'apaisement et de sérénité. Et quand il rentre à la maison, il trouve ça à la maison. Et non pas l'inverse. Sa tranquillité et sa sérénité, c'est quand il quitte le foyer. Il faut que la femme se rapproche d'Allah avec ces choses-là. Ensuite, éduquer ses enfants dans la religion. C'est comme si on est en train de fabriquer un musulman, un mouahid. C'est quelque chose d'immense. Tout ce que tu as enseigné à ton enfant, tu prends ses hasanats jusqu'à la fin des temps. Et si lui, il enseigne à ses enfants et ainsi de suite, ça continue pour toi. Ça, c'est des œuvres immenses dans l'islam. Mais Shaitan, il nous fait toujours voir que ce qu'on fait, c'est rien. Avant, j'étais. Peut-être avant, quand tu étais avec les sœurs et dans les cours, et peut-être qu'il n'y avait même pas de sincérité. Alors que dans ton foyer, en général, il y a la sincérité. Elle est beaucoup plus facile que d'être dans un groupe de personnes. T'es avec tes... C'est pour ça, en général, la femme, elle est sincère avec son mari. Elle est sincère, elle est dans le sens positif ou non, lakin, elle lui dit tout, elle fait pas attention, elle s'habille, elle est sans, dans son foyer, elle s'habille, elle est, on va dire normalement, contrairement à quand elle va recevoir des sœurs à la maison, là, elle va prendre une douche, elle va se préparer, elle va repasser ses vêtements, et se parfumer, et ainsi de suite, et préparer les meilleurs des gâteaux. Il n'y a pas de mal à faire cela. Mais c'est qui mérite le plus que tu lui fasses ça? C'est ton mari et tes enfants. Si tu es sincère. Lakin, le foyer, la maison, yani c'est tout le temps, c'est difficile d'être comme ça. Contrairement à des gens qu'on reçoit occasionnellement. C'est pour ça le prophète, il nous a donné une règle qui sera applicable jusqu'à la fin des temps. Il a dit, le meilleur d'entre vous est le meilleur pour son épouse. Et la meilleure des épouses, c'est la meilleure pour son mari. Et dans plusieurs hadiths, le Nabi il dit à certains sahabiats, regarde comment t'es avec lui, car il est en paradis et en enfer. Regarde comment t'es avec lui, car t'es auprès d'Allah comme t'es pour ton mari. Donc, le prophète alayhi salam, quand il égorgeait une bête, il réservait une partie toujours pour les amis de Khadija radiallahu anha. Et un jour, Aïcha s'est mise en colère à cause de la jalousie. Et elle lui a dit, ô messager d'Allah, comme s'il n'y avait pas une autre femme dans ce bas monde que Khadija. Et quand elle lui a dit ça, il y en a tellement tu penses à elle, comme si c'était la seule femme sur terre. Tu penses qu'à elle. Yanni, tu dois penser plus à moi et l'oublier. Normalement, je dois te la faire oublier. Lakin, Nabi Asasalam, quand elle lui a dit ça, il lui a dit Inna kanat wa kanat wa kana li minha walad. Il a cité quelques-unes de ses qualités. Quelques-unes de ses qualités que je vais citer après. Donc, plusieurs riwayats. Toujours dans le même sens que Aïcha radiallahu anha, elle n'a jamais été autant jalouse d'une épouse du prophète alayhi sallam comme c'était le cas de Khadija. Tellement Nabi alayhi sallam il l'a cité. Et un jour, le prophète alayhi sallam était chez Aïcha radiallahu anha. Au moment où une femme a toqué la porte, et cette femme c'était Hala bint Khuwaylid, la sœur de Khadija. La sœur de Khadija radiallahu anha. Et quand le prophète alayhi sallam, il a entendu toquer, rien qu'à sa façon de toquer, qui ressemblait à la façon de Khadija radiallahu anha, Le prophète alayhi salam était dans un état de joie et il était heureux. Et il a dit, Oh Allah, fais que ce soit hala. Oh Allah, fais que ce soit hala. Et là, Aïcha, elle a été prise par une grande jalousie. Yani même la sœur de Khadija, elle te fait autant d'effet en te faisant car elle te fait penser à sa sœur Khadija à ce point-là. Et là, elle a dit cette parole. Elle a dit, tu penses à une vieille parmi les vieilles femmes de Quraysh qui avait des mâchoires rouges. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par des mâchoires rouges? Yani, que ses dents sont tombées, y restaient que la gencive rouge. Il y a une vieille femme qui n'a au point où elle avait plus de dents et qui est morte il y a longtemps. Et Allah, de toute façon, te l'a remplacée par meilleur. Regardez tout ce qu'elle a dit, radiyallahu anha. Ça, c'est dans les deux authentiques. Et là, le prophète, alayhi, dans cette riwaya, il lui a rien dit. Il lui a rien dit. C'est pour ça que des savants ont dit, on ne punit pas une femme pour sa jalousie. On ne punit pas une femme pour sa jalousie. Certains savants ont dit comme ça. Car le Nabi ne l'a pas puni. Et pourquoi il ne lui a pas dit non? Ils ont dit parce qu'effectivement, Aïcha est meilleure que Khadija par rapport à sa jeunesse. Et c'est la seule femme vierge que le prophète a épousée. De ce point de vue, Naam. Allah lui a remplacé cette femme par une femme meilleure de ce point de vue. Mais ce n'est pas le point de vue le plus important pour le prophète alayhi salam. C'est pour ça, dans un autre hadith, le prophète alayhi salam lui a dit, par Allah, Allah ne me l'a pas remplacée par meilleur que elle. Elle a cru en moi quand les gens ont mécru en moi. Elle m'a cru quand les gens m'ont accusé de menteur. Elle m'a soutenu avec ses biens quand les gens m'ont privé de leurs biens. Et Allah m'a accordé d'elle les enfants et il me les a pas accordés d'une autre femme. Peut-être que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça avant d'avoir Ibrahim de Maria. Donc là, il a cité les choses qui représentent le grand mérite de Khadija. C'est la première personne qui a cru en lui, qui l'a soutenu. Elle l'a soutenu avec, yani, moralement, psychologiquement, elle l'a soutenu avec ses biens, avec son argent, avec son amour, avec tout. Radiallahu anha wa arda. Et ça, c'est au début de l'islam, les moments difficiles, quand les musulmans ils se comptaient sur les bouts des doigts. Qui peut l'atteindre dans ce mérite? Personne. Il n'y a pas de doute en cela. Et quand elle a dit ça, dans un autre hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est mis en colère. Et quand Aïcha a vu ça, elle s'est calmée. Et elle lui a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne dirai plus jamais que du bien d'elle, à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est la mère des croyants, Khadija radiallahu anha wa ardaha. Et comme j'ai dit, quand le prophète sallam était marié à Khadija, il n'a pas épousé une autre femme. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, radiallahu anha. 50 minutes. Peut-être on va. Vous voulez qu'on parle de Aïcha aussi aujourd'hui? Mais le problème, c'est que les mérites de Aïcha sont très nombreux. Aïcha, c'est la femme de laquelle il nous a été rapporté le plus de science dans cette communauté. Aïcha, radiallahu anha, c'est la femme qui a le plus de science dans cette communauté d'une manière absolue, comme a dit le Hafidh Ibn Hajar. Et l'imam Zuhri, là, on ne parle pas de l'Hafidh Ibn Hajar. On parle de l'imam Zuhri, un tabi'i, parmi les chouyours de l'imam Malik, celui qu'on appelait la montagne de science. Jabal al-Hifd, la montagne de mémorisation. Jabal al-Ilm, Jabal al-Hifd. L'imam Zuhri, le grand imam. Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, le grand imam. Il a dit, si on compare la science de Aïcha avec la science de toutes les autres épouses du prophète et toutes les femmes de cette communauté, la science de Aïcha sera meilleure que la science de toutes ces femmes-là. Et ça, c'est pas étonnant, car Aïcha, elle est l'origine de leur science. Comparée aux autres épouses, l'écart est rapidement constaté. Tu ouvres le Bukhari et tu regardes combien de fois Aïcha est citée. Lakin, par rapport aux autres femmes, elles ont puisé leur science dans la science de Aïcha. C'est d'elle que ça vient, cette science. Donc, c'est pas étonnant, cette parole de l'imam Zuhri. Aïcha radiallahu anha, as-siddiqa bintu siddiq, la véridique, la fille du véridique Abu Bakr siddiq, le meilleur homme de cette communauté. Et Abu Bakr, c'était l'homme le plus aimé par le Nabi alayhi salam, et Aïcha, la femme la plus aimée par le prophète alayhi salatu wassalam. Elle est la bien-aimée de notre prophète, celle qui a été innocentée par Allah de par sept cieux, dans des versets qui seront lisibles dans Sourate An-Nur jusqu'à la fin des temps. Elle est décédée en l'an 57 de l'Hégire, et ça a été dit 58 de l'Hégire. Et Aïcha, Khadija, on a vu qu'elle est décédée 3 ans avant l'émigration. Donc on va prendre quelques mérites et de Aïcha radiallahu anha. Un jour, le prophète a dit à Aïcha, il l'appelait Ya Aïch. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe Tarkhim. On retire la dernière lettre quand c'est un nom qui se termine par une ta marbouta. Ya Fatim, Ya Aïch. Après, est-ce qu'on dit Ya Aïcho, Ya Aïcha? Les deux sont autorisés. Donc le prophète lui a dit Ya Aïch, voici Jibril qui te passe le salam. Jibril te passe le salam. C'est pour ça qu'on a dit Jibril alayhi salam, il a passé salam à Aïcha, il a passé salam à Khadija, mais salam de la part d'Allah, je ne le connais personnellement que pour Khadija radiallahu anha, de tous les compagnons de cette communauté-là. Et elle a dit, wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu vois ce que je ne vois pas, en parlant du prophète alayhi salam, car elle n'a pas vu Jibril alayhi salam. Et Anas ibn Malik, il dit, qui était avec le prophète alayhi salam à Médine, 10 ans à son service, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wa salam dire fadlu Aisha ala an-nisa'i ka fadli tharidi ala at-ta'am. Le mérite de Aisha par rapport aux autres femmes est comme le mérite de tharid par rapport aux autres aliments ou aux autres plats ou aux autres nourritures. Tharid, c'est un plat constitué de viande et de pain et de sauce. Et c'est parmi les meilleurs plats de leur époque et ça reste encore aujourd'hui un excellent plat. Il contient la viande avec une sauce et avec du pain dans cette sauce-là. Ça s'appelle tharid. Et ça, c'est le meilleur des plats. Et c'est ainsi que Aïcha radiallahu anha est la meilleure des femmes aussi. Car son mérite par rapport aux autres femmes, c'est comme le mérite de ce plat par rapport aux autres plats. Selon Abu Moussa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: beaucoup d'hommes ont atteint le degré de la perfection. Ils ne l'ont atteint parmi les femmes que quatre. Dans cette riwaya, c'est pas quatre. Ils ne l'ont atteint parmi les femmes que Maryam, fille de Imran, et Asiya, épouse de Pharaon. Et le mérite de Aïcha par rapport aux autres femmes est comme le mérite de Tharid par rapport aux autres plats. Par rapport aux autres plats. Ce hadith est rapporté dans les deux authentiques. Aussi parmi les mérites de Aïcha radiallahu anha, et ce qui est voulu par rapport à son mérite ici, c'est que Aïcha a réuni tellement de caractéristiques qui ne se sont pas réunies pour une autre femme. Elle a réuni tellement de belles caractéristiques qui ne se sont pas réunies pour autre femme. Parmi les mérites de Aïcha radiallahu anha, c'est que le prophète alayhi salam, il recevait la révélation en étant dans son lit. En étant avec elle sur le même lit, il recevait la révélation. Et ça n'est jamais arrivé à aucune autre épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Après, il y a des versets qui ont été révélés dans la maison de Umm Salama. Les savants se sont posé la question: comment comprendre alors ce texte qui dit que jamais le prophète n'a reçu la révélation en étant dans le même lit avec une de ses épouses? Suyuti rahimahullah a dit que l'explication à cela, c'est qu'il pouvait le recevoir dans une maison d'une autre épouse du prophète, mais quand il le recevait, elle ne restait pas avec lui sur le même lit. Contrairement à Aïcha radiallahu anha. Et ça, c'était parmi ses particularités. Les épouses du prophète, alayhi salam, ont constaté que les gens, quand ils voulaient envoyer un cadeau au prophète, alayhi salatu wassalam, ils attendaient qu'il soit dans le tour de Aïcha radiallahu anha, qu'il soit chez elle. Et ils envoyaient le cadeau. Pourquoi ils faisaient ça? Car ils ont constaté l'amour qu'il avait pour Aïcha radiallahu anha, et ils aimaient lui faire plaisir. Et faire plaisir à un mari, c'est en faisant plaisir à son épouse, qu'il aime énormément. Donc les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont constaté cela. Et elles ont dit entre elles: nous aussi on aimerait recevoir des choses quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est avec nous. C'est pour ça qu'ils ont chargé Umm Salama, Hind bint Umayya al-Makhzoumiya, l'épouse du prophète alayhi salam, la femme brillante, la femme savante, la femme intelligente, ils l'ont chargée de cette mission, de parler au prophète alayhi salatu wassalam. Umm Salama, vous savez, elle était l'épouse de Abu Salama. Et après sa mort, le prophète alayhi salam l'a épousée. Et quand il a voulu l'épouser, elle a dit au messager d'Allah qu'elle ne peut pas refuser le prophète alayhi salam. C'est un honneur pour elle. Mais elle a dit: je suis une femme très jalouse. Et j'ai un enfant à charge. Il lui a dit: ton enfant, c'est mon enfant. Yani, je le prends à charge. Il n'y a pas de souci par rapport à l'enfant. Et ta jalousie, je demande à Allah de la faire disparaître. Et le prophète alayhi salam l'a épousée. Et quand elle a perdu, regardez pourquoi c'est une femme très intelligente, une femme très savante. Quand elle a perdu son mari, Abu Salama, qui est le frère d'allaitement du prophète alayhi salam. Abu Salama, c'est le frère du prophète alayhi salam d'allaitement. Il a été allaité comme le prophète alayhi salatu wassalam, par Halima et l'Abbas également. Hamza et c'est le frère d'allaitement du prophète alayhi salatu wassalam. J'ai un doute par rapport à l'Abbas. En tout cas, Abu Salama, c'est le frère d'allaitement du prophète alayhi salatu wassalam. C'est son frère d'allaitement. Donc, ils ont chargé Umm Salama de cette mission, d'aller voir le Nabi alayhi salam et de lui expliquer que c'était aussi le droit des autres épouses de recevoir des cadeaux quand elles chez eux, chez elles. Pourquoi les gens, ils spécifient Aïcha avec cela? Et elle est venue, elle lui a parlé de ça une première fois, il lui a pas répondu. Une deuxième fois, jusqu'à la troisième fois. La troisième fois, il lui a dit, Ya Umm Salama, ne me fais pas de mal vis-à-vis de Aïcha. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ne fais pas de mal à Aïcha en agissant de cette manière. Car si tu lui fais du mal, ça va me faire du mal. Ce qui nuit à Aïcha me nuit à moi aussi. Et il n'y a pas une forme d'injustice là-dedans. Car c'est pas le Nabi A.S. qui donne pour être équitable. C'est les gens qui donnent. Et les gens, ils ont choisi de donner à, quand c'est le tour de Aïcha, donc c'est pas un don du prophète alayhi salam. C'est pour ça, il lui a dit, laisse les choses telles qu'elles sont. Et ensuite, il lui a dit, par Allah, je n'ai jamais reçu la révélation en étant sur le lit d'entre une de mes épouses que dans le lit de Aïcha radiallahu anha. Aussi, le Nabi alayhi salam, quand il était malade, dans la maladie suite à laquelle il est décédé, alayhi salatu wassalam, il attendait avec impatience l'arrivée du tour de Aïcha, car il était plus apaisé quand il était avec elle. Et ça, c'est dans sa maladie suite à laquelle il est décédé. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam est mort en étant entre la poitrine et le cou de Aïcha radiallahu anha, comme elle a dit. قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي. Il avait sa tête sur sa poitrine et il était entre la poitrine et le cou, c'est-à-dire il était avec elle radiallahu anha. Ibn Abbas, quand Aïcha était malade, il a demandé à lui rendre visite. Et quand on lui a dit c'est Ibn Abbas, elle a dit je crains qu'il vienne pour me faire des éloges. Je crains qu'il vienne pour me faire des éloges. Et ça c'est une sunna. Quand une personne est gravement malade et tu vois sur elle les signes de l'approche de la mort, c'est bien de lui rappeler certaines de ses qualités afin qu'elle pense du bien d'Allah et qu'elle aime rencontrer Allah. Car celui qui aime rencontrer Allah, Allah aimera le rencontrer. Et celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah détestera sa rencontre. C'est pour ça qu'il est venu. Et elle, elle savait qu'il allait venir pour cela. Et elle n'a pas voulu. Ils lui ont dit, laisse-le entrer, c'est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est parmi les meilleurs des muslimines. Elle a dit alors laissez-le entrer. Il est entré, il lui a dit comment tu te sens? Elle lui a dit je me sens bien si je crains Allah. Il lui a dit alors sache que tu es dans le bien, Inch'Allah. Tu es l'épouse du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et il n'a pas épousé une femme vierge, excepté toi. Et Allah a fait descendre ton innocence du ciel dans le Coran. Et après, il est parti. Et après lui est venu Abdullah ibn Zubayr. Aïcha, c'est sa tante. C'est la sœur de sa mère, Asma bint Abi Bakr al-Siddiq. Il est venu après lui. Elle lui a dit, Ibn Abbas est venu, il m'a fait des éloges, alors que j'aurais souhaité que je fusse depuis longtemps oublié. Elle a dit comme elle a dit Maryam alayhi salam, Ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Si j'aurais souhaité que je fusse morte avant cela et que je fusse depuis longtemps oublié. Al-Nabi alayhi salam a dit à Aisha radiallahu anha, hadith précédent est cité dans le Bukhari et suivant dans les deux authentiques et celui qui suit également. Il y en a des fois, j'oublie de le mentionner. Lakin, comme je vous ai dit, le livre comporte que des hadiths authentiques. Et quand il y a quelque chose de faible, et ça c'est rare, il le mentionne et il cite pourquoi il l'a cité. Des fois pour démentir une chose qui n'a pas de fondement. Donc, le prophète alayhi sallam a dit à notre mère Aïcha radiallahu anha, il lui a dit, j'ai vu dans un rêve que l'ange est venu et il m'a montré dans un morceau de tissu en soie ton image, ta photo. Et il m'a dit, ça, c'est ton épouse. Et quand j'ai retiré le morceau de tissu, je t'ai vu, toi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, si c'est quelque chose qui vient d'Allah, alors ça sera réalisé. Aïcha radiallahu anha dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste avant de mourir, et il était sur ma poitrine, en disant, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bil rafiq al a'la. Il disait, oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde et permets-moi de rejoindre les hauts compagnons, les compagnons du ciel, qui sont les prophètes et les messagers et les véridiques et les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie est la compagnie de ceux-là. Le Nabi alayhi salam a dit à Aïcha, je sais quand tu es satisfaite de moi et quand tu es en colère contre moi. Elle lui a dit, d'où tu sais ça? Il lui a dit, quand tu es satisfaite de moi, tu jures par le Seigneur de Muhammad. Et quand tu es en colère contre moi, tu jures par le Seigneur de Ibrahim. Elle lui a dit, si, au messager d'Allah. Et par Allah, je ne délaisse que ton prénom. Vous savez que c'est parmi les bénédictions de la famille de Al-Abi Bakr, la famille de Abu Bakr, Siddiq, et notamment Aïcha radiallahu anha, qu'il a été légiféré dans notre religion, At-Tayammum, et que le verset de Tayammum, les ablutions sèches, ont été révélées suite à la perte d'un collier. Aïcha a perdu un collier qu'elle avait emprunté à sa sœur, elle l'a perdu, et elle a demandé à ce qu'on le cherche, et les gens l'ont cherché, et à un moment ils voulaient faire salat, ils n'ont pas trouvé les ablutions, de quoi faire les ablutions, ils n'ont pas trouvé d'eau, et Allah leur a révélé le verset de Tayammum suite à cela. Aïcha radiallahu anha est sortie vers la ville de Basra, et avec ça on va terminer aujourd'hui, vers la ville de Basra. Elle est sortie accompagnée de Talha et de Zubayr ibn al-Awwam. Talha ibn Ubaidillah et Zubayr ibn al-Awwam, tous les deux, parmi les 10 annoncés au paradis. Ils lui ont demandé de les accompagner vers la ville de Basra pour rencontrer Ali radiallahu anhu et son armée afin de les convaincre de venger Uthman. Car Sahaba, comme Aïcha l'a dit, le fait de ne pas avoir assisté Uthman quand il a été attaqué par le Khawarij dans sa maison, ils ont un peu culpabilisé suite à cela. Alors que c'est lui qui leur a ordonné d'agir ainsi. Il a interdit à toute personne d'intervenir. Mais malgré ça, ils ont senti des remords et ils ont voulu se rattraper justement en demandant à Ali radiallahu anhu de venger Uthman et de punir ceux qui l'ont tué. Mais Ali radiallahu anhu a vu plus sage de ne pas le faire tout de suite, car la Ummah traversait une période difficile, une période de troubles et de fitan, et son avis était l'avis le plus juste. Mais les autres compagnons avaient fait un effort. Et vous voyez que la cause est totalement légitime. C'est pour ça que Aïcha radiallahu anha les a accompagnés sur un chameau vers la ville de Basra. Et Ammar, qui est sur la nature humaine saine, cet homme, si on lui donne le choix entre deux choses, forcément il choisira ce qui est meilleur. Lui, il était aux côtés de Ali radiallahu anhu. Il a dit aux gens, Allah vous a éprouvé par votre mère, l'épouse du prophète alayhi salam. Elle est son épouse dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est parmi les meilleurs des croyants, Aïcha radiallahu anha, et ceux qui étaient avec elle. Mais la vérité, il leur a dit, la vérité, elle est avec Ali radiallahu anhu. Et Aïcha, sur son trajet vers le Basra, elle est passée par une vallée ou une prairie comme ça. Afwan. Elle est passée par une vallée, Naam, une vallée. Elle leur a demandé comment s'appelle cet endroit. Elle leur a dit comment s'appelle cet endroit. Ils lui ont dit Al-Hawab. Elle leur a dit je vais faire demi-tour immédiatement. Ils lui ont dit pourquoi? Non. Continue dans ton objectif. Ainsi Allah il permettra la réconciliation entre les croyants. Elle a dit non, je vais faire demi-tour, car le prophète alayhi salam un jour a dit à ses épouses, il s'est adressé à elles toutes. Il leur a dit, c'est qui d'entre vous celle sur laquelle vont aboyer les chiens de l'Hawab? Et quand elle est passée par cet endroit, il y avait des chiens qui aboyaient. Et cet endroit, il s'appelait l'Hawab, comme le Nabi Rasulullah m'a dit. Donc, elle a senti que peut-être, c'est pas une bonne chose qu'elle est en train de faire. Malgré sa bonne intention. Et malgré son objectif tout à fait légitime. Elle n'est pas sortie pour une guerre ou pour une bataille. Elle est sortie pour exiger de Ali radiallahu anhu la vengeance des criminels qui ont tué le guide des croyants Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Mais ils l'ont convaincu de continuer. Ils lui ont dit, les croyants et tous les musulmans, dès qu'ils vont te voir, ils vont se réconcilier. Sinon, ils risquent d'avoir une guerre entre eux. Regardez tous ces éléments. Allah a décrété un décret, il va arriver. Rien ne peut l'empêcher. Et effectivement, elle a été convaincue et elle a poursuivi son chemin vers le Basra. Et c'est là où il y a eu ce qu'il y a eu dans cette bataille de l'Jamal. Pourquoi elle s'est appelée la bataille de l'Jamal? Car c'était... Aïcha, elle était sur son chameau. Le Nabi Rasulallah lui a dit dans un autre hadith, qui est d'entre vous, yani de ses épouses, qui va être sur le chameau et autour de laquelle il va y avoir beaucoup de morts. Et même elle sera sauvée de justesse. Et il y a eu ce qu'il y a eu, et après les croyants tous ont protégé la mère des croyants Aïcha, et elle est revenue chez elle radiallahu anha. Lakin, après Salama radiallahu anha, elle a conseillé Aïcha de ne pas sortir vers le Basra. Et Aïcha lui a montré ses bonnes raisons. Elle lui a dit, malgré ça, je te conseille de ne pas sortir, Lakin, Aïcha est sortie, radiallahu anha, afin de réconcilier les deux groupes et yani, de les empêcher de rentrer dans une guerre. Qu'Allah l'agré. On va terminer, Inch'Allah. Il reste très, yani, quelque chose par rapport au mérite de Aïcha. On va les terminer dans le cours prochain, Inch'Allah ta'ala. Et nous allons nous arrêter ici. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته